Vous m'en lirez tant, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Isabelle Vouriot pour son roman Toi, publié aux éditions Claire Lorrain. Bonjour Isabelle. Bonjour Mona, bonjour tout le monde. Alors pouvez-vous vous présenter, nous parler un peu de vous ? Alors écoutez, moi à la base je suis infirmière, maman de trois enfants, mariée, et puis j'ai toujours aimé l'écriture. Et en fait, j'avais déjà cette envie d'écrire depuis toute petite. Et puis, j'écrivais, j'ai laissé passer le temps. Après, on construit sa vie, on fait son métier. Et puis, j'ai eu un arrêt maladie, donc il m'a contraint à me poser. Et là, je me suis dit, tu t'y remets et tu fais quelque chose. Et donc, je m'y suis remis, j'ai publié un petit texte sur Facebook, ça a pris, j'ai renvoyé un deuxième, et puis on a continué comme ça. Et puis maintenant, je suis là, au bout de 4 ans. Oui, parce qu'en fait, ça fait seulement 4 ans que j'écris, et il y en a 5 livres de sortie. D'accord, mais c'est votre premier roman. C'est mon premier roman. Oui, autrement, vous écriviez des poésies. Poésie et nouvelles. Poésie et nouvelles, ouais. Oui. En fait, le roman, ça s'est fait, je dirais, je pensais jamais pouvoir écrire un roman, parce que c'est quand même très différent de la poésie, où c'est sur du long terme. Mm-hmm. Et en fait, je faisais partie d'un groupe d'écriture, et un ami qui j'avais posté sur le groupe Facebook le texte m'a dit, oh là là, tu vas beaucoup trop vite, ça c'est qu'un premier chapitre, tu m'en écris un deuxième. Donc je me suis prise au jeu, j'ai écrit le deuxième, il dit, maintenant tu m'écris le troisième. Et je lui dis, mais je vais où comme ça? Tu verras bien. Et en fait, j'ai continué, après il m'a lâché, et puis le roman est né. Et en tant qu'infirmière, c'est pas un peu difficile de trouver du temps Si, mais on le trouve. Ça peut être le matin de bonne heure, quand je me suis réveillée, ça peut être le soir. En fait, ça cogite en arrière-plan, et puis il y a un moment où je me pose et tout sort. D'accord. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il faut trouver le temps, il faut le prendre, surtout le prendre. Alors, pouvez-vous nous parler de votre roman, Toi ? Alors, Toi, c'est l'histoire d'une jeune femme. Alors, ceux qui me connaissent vous diront que c'est moi. En fait, non, c'est pas moi. C'est presque moi, mais c'est pas moi. Donc, elle est infirmière, elle écrit. Elle a tout pour être heureuse. Et puis, on sent bien dès le début qu'il y a un petit quelque chose, en fait, qui est pas bien pour elle. Et en fait, on va découvrir l'histoire d'un amour, d'une amitié. Tout est un petit peu mélangé. Et puis, on va vivre un petit peu... des tristesses, des joies, peut-être des retrouvailles, peut-être pas. D'accord. Alors, votre héroïne, Gabrielle, on va quand même l'appeler par son prénom, est toujours amoureuse de son mari, Martin. Tout à fait. Mais en même temps, elle est obsédée par un ami, voilà. Lucas, avec qui elle n'a plus de contact. Voilà. Alors, au début, Au début, on ne sait pas s'il est mort, s'il n'est pas mort. Qu'est-ce qui s'est passé réellement entre eux? Est-ce que ça a été qu'une histoire d'amitié? Est-ce qu'il y a eu une histoire d'amour sous-jacent? Tout ça, ça va se dévoiler petit à petit. Mais c'est vrai que c'est assez ambigu. Mais en même temps, l'amitié avec un homme, ça reste toujours un peu ambigu. Où s'arrête la frontière? Oui, c'est voilà. Ça. Parce qu'on a l'impression quand même qu'elle est obsédée par cette amour. Ah, complètement. Ça, complètement. Oui. On a un peu l'impression qu'elle est amoureuse. Ça donne cette impression-là. Je pense que oui, de toute façon, après, il y a la suite qui va arriver. Mais je pense que ça se ressent, oui, quand même, dans le roman. Oui, oui. Ouais. Et vous, en tant qu'auteur, vous pensez qu'on peut aimer deux hommes à la fois? Oui, je pense. Oui? Oui. Pas de la même manière, bien sûr. Non, pas de la même manière, mais je pense que oui. On est tellement d'hommes et de femmes sur Terre que je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait qu'un. D'accord. Aucune. D'accord. Mais c'est aussi c'est douloureux pour Martin, le mari. Ah oui. Parce que le mari, c'est pas bien sûr, et puis c'est pas du tout dans l'air du temps de voilà, il se passe des choses entre eux, ils s'en rendent compte. En même temps, on a l'impression qu'ils respectent, mais ils se posent quand même pas mal de questions. Ça, c'est sûr. C'est pas évident ni pour l'un ni pour l'autre. Oui. Non, mais je le trouve même relativement laxiste. Non, cool. Non, j'allais cool. Dire cool un mot à la mode. À la mode, à la mode. C'est les jeunes, mais je le trouve quand même. Très calme. Ouais, mais peut-être parce qu'il a peut-être pas tout perçu. D'accord. Et en fait, ça, on va le comprendre dans le deuxième. Vous ne croyez pas que l'absence aussi a embelli les moments passés ensemble, que les souvenirs sont faussés? Est-ce qu'elle ne serait pas déçue de le revoir, cet ami? Ah c'est toujours un risque. Hein. Le risque, là, il existe, mais même au quotidien. Je veux dire, quand on a des amis qu'on n'a pas vus depuis 20 ans et qu'on se revoit, souvent, y a juste un bonjour, tu vas bien, et puis malheureusement, ça s'arrête là. Donc, c'est vrai qu'il y a le risque. Oui, mais comme c'est ambigu, je me dis... Enfin, je ne sais pas, quand on lit le livre, on a quand même vraiment l'impression que c'est une passion, c'est une vraie passion. Ah oui, tout à fait, ça on peut le dire, oui, tout à fait. Oui. Et donc, je me demande si effectivement l'absence ne fait pas qu'on fantasme un peu sur... Ah bah des fois, oui, bien sûr. On n'a pas embelli les souvenirs, les rencontres les... Ça, il n'y a que Gabriel qui pourrait nous le dire. Et puis, on ne sait pas non plus ce que Lucas, de son côté, lui, ressent, finalement. Oui, Lucas, c'est l'ami. Hein, Lucas, c'est l'ami, oui. Voilà, ouais, c'est ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de questions, il y a des interrogations, ça, c'est sûr. Alors, nous allons faire une première pause musicale et vous avez choisi d'écouter Les Lacs du Connemara par Michel Sardou. Brûlé au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer, le Connemara. Qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Maureen a plongé nue dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit, je suis catholique, Maureen aussi, l'église en granit de Limerick, Maureen a dit oui. De Tipperary, Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connors, les O'Connolly, les Flaherty, du Ring of Kerry et de quoi boire trois jours et deux nuits. Là-bas, on sait tout le prix du silence. Là-bas, au Connemara, on dit que la vie c'est une folie et que la folie ça se danse. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Au temps des Gaëls et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. Alors nous sommes toujours avec Isabelle Vourioux pour son roman « Toi ». Alors vous décrivez certaines scènes érotiques. Est-ce que c'est pas facile pour une femme de décrire l'amour physique? Ou est-ce que parce que vous êtes plus à l'aise avec les corps du fait de votre métier? Ah, ça, c'est une question à laquelle je ne m'étais jamais posée. Non, j'ai pas de difficulté par rapport à la sensualité. J'ai écrit un recueil qui s'appelle 69 petites perles d'amour et c'est que des textes érotiques et poétiques. Et c'est vrai que je me sens relativement à l'aise, oui, effectivement, avec le corps. Du métier ou pas, je ne sais pas. Mais c'est tellement plus beau que d'écrire la guerre et tout ça que oui, j'ai pas de soucis en fait. Oui, oui, bien sûr. Non, mais en même temps, je veux dire, c'est érotique, mais c'est pas vulgaire. Ah bah non, pas... c'est trop facile. J'irais à la limite, la vulgarité, c'est très facile à faire. Il y a trois mots et c'est bon. Non, justement, c'est presque un jeu. C'est la subtilité de trouver un petit peu ce qui va titiller, donner les images mentales. En fait, moi, c'est vrai que j'écris comme si je voyais les images, comme au cinéma. En fait, je me projette une image et les mots viennent de là, en fait. J'ai vraiment, comme un film, en fait. Je suis un peu parce que j'écris beaucoup avec le jeu. Et c'est vraiment comme si j'étais là, quoi, en fait. Je suis à la fois l'auteur, celui qui fait. Enfin, tout se mélange un peu dans ma tête et j'arrive quand même à poser les mots, heureusement. Alors, Gabriel dit à un moment, la vie est celle que je souhaitais quand j'étais plus jeune. Tout ce que j'avais pu imaginer en réalité, ma réalité, une belle réalité. C'est vrai pour vous aussi? Ah oui, complètement. Quand j'étais jeune, je voyais un chemin tracé tout droit en forêt Et finalement, c'est ça qui s'est passé. J'ai avancé sur le chemin et tout est venu, pas forcément avec facilité. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer un homme formidable. J'ai fait 3 enfants. Je fais en plus maintenant plus un métier que j'aime, une passion que j'aime, des amis formidables. Non, franchement, je peux pas me plaindre. Franchement, par rapport à d'autres situations, non, je peux pas me plaindre. J'ai pas le droit et franchement, non. Oui. Alors, vous parlez aussi d'une belle amitié féminine. Parlez-nous de votre amie dans le livre. Ah oui. Oui, c'est Constance, en fait. Oui, les amis, on n'en a pas beaucoup, en fait, dans la vraie vie. Donc, Constance, ça pourrait être ou ma Gigi ou Françoise, qui est à côté de moi aujourd'hui, qui est ma compagne. C'est mes 2 plus chères amies. Et c'est vrai que c'est important. J'aime bien m'entourer de mes amis quand même au quotidien. C'est une richesse, c'est une force. Elles sont là toujours... près de nous, même si on ne se voit pas souvent, on sait qu'elles sont là, qu'on peut s'appeler, il n'y a pas de souci, c'est important. Et on ne fait pas les mêmes confidences qu'aux hommes, je pense. Non, complètement différentes. Je pense que oui, on peut se livrer totalement. On sait que ce qu'elle va me dire, ça va être secret. Moi, ce que je vais lui confier, ça va rester entre nous. On ne va pas aller l'exposer sur la place publique. Mm. Alors que les hommes, des fois, bon, voilà quoi. Oh. On n'en dira pas plus, sinon on va les fâcher. Oui, c'est peut-être pas le but. Non. Alors, vous faites dire à l'ange gardien Gabriel, nous avons le choix, toujours, et le premier est de le faire ou non. Le Très-Haut te place des routes, des chemins qui chacun te mèneront vers un destin. Il n'appartient qu'à toi de décider de ta vie tout en tenant compte du choix des autres. Oui, je sais, là est toute la difficulté. Tu ne peux pas décider de ta vie au détriment d'autrui. Alors, c'est très beau, il devrait effectivement en être ainsi, mais est-ce que ce n'est pas un peu utopique, là ? Bon, il arrive parfois qu'on me dise que je suis un petit peu dans un monde bisounours. Donc oui, c'est peut-être utopique, effectivement. Mais en même temps, je pense qu'on a tous une petite voix. C'est notre petite voix intime, et ça, j'en suis intimement convaincue, qui nous donne la bonne direction. Seulement, des fois, on ne l'écoute pas forcément. Et on ne prend pas forcément la bonne décision. Donc, mais je pense qu'effectivement, moi, je crois beaucoup aux anges gardiens. Et je pense que oui, sur notre route, on nous jalonne des petits obstacles pour nous faire avancer. D'accord. Après, il faut les voir, il faut les accepter et puis il faut passer. Oui, mais bon, des fois, c'est difficile de faire confiance à ce qu'on appelle l'instinct. Je sais pas. Moi, à chaque fois que j'ai pris une décision sur mon instinct, j'ai jamais été trompée. Mm-hmm. Que ça soit vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, j'ai jamais regretté d'avoir pris cette décision-là. Puis de toute façon, le fait de le regretter n'allait pas changer ce qui allait se passer. Donc de toute façon, oui, j'ai jamais eu de. Après, j'ai envie de dire que les gens essayent. La petite voix intime, l'instinct, c'est ce qu'on dit. Ah zut, si j'avais su, j'aurais pris mon premier choix. Mais c'est celle-là qu'il faut écouter. C'est pas la deuxième qui vient derrière. C'est vraiment cette toute première intuition quand elle naît, la petite graine. Oui, mais il y a le raisonnable qui arrive derrière, qui dit que. Après, le raisonnable, c'est bien raisonnable, j'ai envie de dire. Alors, vous parlez aussi de la confiance en soi que Gabriel essaye de donner à ses enfants. C'est important de donner confiance et de croire en soi ? Oui, parce que si on ne croit pas en soi, on n'avance pas. Mm-hmm. Si je n'avais pas cru et si on ne m'avait pas donné confiance par rapport à l'écriture, je pense que je serais restée avec mes textes enfouis dans une chemise que j'avais écrite en 3e. Et puis voilà quoi. Je pense qu'à un moment, il faut se dire, il faut oser. Et en osant, on apprend à prendre confiance. C'est pas quelque chose qui naît quand on arrive au monde. Et je pense qu'il faut vraiment, il faut donner confiance aux gens. Dans le monde actuel, on a toujours tendance à dire quand ça va pas. Ça, on sait matraquer les gens, il n'y a pas de souci. Malheureusement, on ne sait pas leur dire, tiens, ça c'est bien. C'est pas grand chose, mais c'est bien ce que tu as fait aujourd'hui. Ça apporte une pierre. C'est voilà. Bon, c'est peut-être encore mon monde bisounours, mais je trouve que c'est important. Même dans mon travail, quand on a bien travaillé, je dis à l'équipe, je dis aujourd'hui, on peut être content, on a bien bossé. C'est pas grand chose, mais souvent elle dit, ah oui, tu peux le dire. Alors que voilà, je pense que c'est important quand même de. Ça remonte le moral. Oui, et puis c'est important parce que ça valorise un petit peu chacun. On a fait quelque chose de notre journée. On n'a pas simplement allé au travail, tirer nos 8 heures, et puis voilà, ça donne plus. Alors, vous parlez beaucoup du plaisir et de la difficulté d'écrire. Oui, parce que le plaisir, il est là. La difficulté, c'est toujours la peur, quelque part, de se retrouver sur une page blanche. Ça m'est déjà arrivé. Et on se dit, zut, est-ce que ça va revenir ? Et ça fait peur, ça, par contre. On se dit, zut, est-ce que je vais encore réussir ? Et finalement, oui, ça revient. Il suffit d'un coup de fatigue ou... Parce qu'un rien, finalement, déclenche l'écriture. Ça va être quelque chose de vu, ça va être quelque chose de vécu, ça va être une couleur, simplement, des fois, une couleur ou un... Tout, tout peut être déclencheur. Après, ça travaille, ça cogite, ça mouline, comme je dis. Et puis je pose. Oui, mais c'est pas le même processus de faire des poésies que de faire un roman, parce que le roman, il faut avoir une, peut-être pas la fin, mais au moins une... Ben en fait, celui-ci, vu comme il a démarré, je l'ai vraiment fait à l'instinct, pour le coup. Ah, d'accord. Celui-ci, et ma question, c'était, j'avais posé donc à Pierre-Jean, l'ami qui m'a encouragée, je lui avais dit, mais quand est-ce que je vais savoir que je l'ai fini, mon livre? Et il m'a dit, mais t'inquiète pas, tu le sauras. Et je me souviens encore, j'étais en train d'écrire, et je termine le chapitre, et je me dis, bon, allez, j'attaque le suivant, je marque chapitre à un tel, et puis d'un seul coup, je me dis, non, il n'en faut plus. Le livre, il s'arrête là. Ah, d'accord. Et c'est vrai que c'est perturbant parce que je ne m'attendais pas à le finir comme ça. Enfin, et souvent, les personnages nous mènent un petit peu aussi par le bout du nez. Des fois, on voudrait leur faire faire quelque chose. Puis en fait, quand on écrit, on se rend compte que ce n'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Donc, bon, voilà. Bon, sur le deuxième, j'essaye de le construire un peu plus. Je sais la fin. Je sais où je vais aller et comment. Oui. Voilà. Donc, le deuxième sera peut-être un peu plus construit. Mais celui-là, il est quand même fait vraiment à l'instinct. Alors, vous décrivez également l'attitude du public lors des séances de dédicaces. Ça sent le vécu. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme... Il y a une part d'autobiographie dans votre roman. Ne serait-ce que ça, par exemple. Ah oui, bah ça, de toute façon, oui, c'est assez... La réaction des gens, elle est assez rigolote. La première séance de dédicace que j'avais faite, c'était dans un supermarché. Il y avait une foire au vin. Donc, avec plein de rayons, enfin, aménagés pour. Et en fait, les gens, j'en rigole encore en les voyant. D'ailleurs, j'avais écrit un texte là-dessus. Les gens, en fait, passaient dans les rayons de vin pour ne pas passer devant moi. Comme si, je pense qu'ils ont toujours peur un petit peu qu'on leur dise, bah, tenez, lisez, prenez, achetez. Alors que non, il suffit simplement d'aller à la rencontre de l'auteur, d'échanger quelques mots, puis de regarder. Ça nous suffit, nous, en tant qu'auteur. Le fait de s'intéresser à ce qu'on fait, de partager, voilà, il n'y a pas besoin forcément d'acheter le livre derrière. Bon, s'il l'achète, c'est encore mieux, il faut quand même être honnête. Mais voilà, et c'est assez rigolo de voir l'attitude des gens. Il y en a, ils vont alors très très loin, ils vont nous dire bonjour, mais alors très très loin, pas s'approcher de la table, surtout pas s'approcher de la table. Mais je les comprends, hein, et je les respecte, parce que quand j'étais dans l'autre sens, je faisais un peu pareil. Donc j'arrive d'autant mieux à les comprendre. Et je ne leur en veux pas du tout, mais c'est rigolo quoi. C'est quelque part, c'est rigolo. Et ça vous plaît de rencontrer les gens? Ah ouais, c'est génial. Oui. C'est vraiment génial. C'est le contact. Puis après, il y a ceux qui reviennent d'année en année. Alors ouais, je viens rechercher votre deuxième. Donc, on rencontre d'autres auteurs. Donc, c'est sympathique aussi. Mm-hmm. On fait des connaissances. Et le monde, on agrandit notre monde de rencontres. Et rencontrer des gens, c'est toujours fabuleux. Oui, bah ça, je suis bien d'accord avec vous. Alors, vous parlez aussi de la société d'aujourd'hui, de l'égoïsme, de la violence gratuite, des magouilles politiques. Vous pensez que le monde est devenu fou? Moi, je pense que le monde est devenu fou et qu'il deviendra fou et qu'il est déjà devenu fou dans les années antérieures. En fait, le progrès va tellement vite qu'il y a comme un désaccord un petit peu. Mais c'est vrai que le monde actuel est vraiment devenu fou. Quand on voit tout ce qui se passe avec les attentats, comme si chacun ne pouvait pas vivre sa religion dans son coin, on en rajoute. Et puis les médias en rajoutent aussi, en surrajoutent maintenant avec tout ce qu'on trouve, les propagandes par Internet, par les réseaux, enfin tout... On entend de tout. Le problème, c'est qu'on ne sait plus démêler le vrai du faux. Et ça, je trouve que c'est quand même dommage parce qu'il y a quand même des fausses informations, je pense, qui circulent volontairement. Oui, bien sûr. Donc, à partir de là, c'est faussé d'avance. Oui, mais puis en plus, il faut faire du catastrophisme pour attirer voilà. Le il faut les gros titres. Bien sûr, il oui, faut que je m'amuse, ne serait-ce que dans les livres People. Je regarde les gros titres et je me dis, qu'est-ce qu'ils ont pu mettre derrière? Et en fait, bah, derrière, il n'y a pas grand-chose, en fait. Mais ça m'amuse toujours parce qu'ils ont quand même l'art et la manière d'attirer. Ça, c'est là-dessus, ils sont très forts. Alors, dans votre livre également, vous parlez de dons d'organes. D'ailleurs, à la fin du roman, vous consacrez quelques pages à la législation en matière de dons d'organes. C'est un sujet qui vous tient à cœur? En étant infirmière, oui. On sait qu'il y a très peu de donneurs pour tous ceux qui attendent. Et c'est malheureusement triste quand on voit un enfant qui est en attente et que malheureusement, il devra décéder parce que quelqu'un n'a pas voulu donner. Bon, là... Actuellement, on en reparle un petit peu parce que on a l'impression que la législation change. En fait, elle n'a pas changé du tout. On en remet simplement une petite couche. Hein. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux se positionner pour plusieurs raisons. Déjà, c'est que ça va faciliter le travail pour ceux qui seront là et qui devront donner la réponse. C'est très dur de demander à quelqu'un est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on prenne les organes de votre enfant, de votre mari, de votre mère? Alors que si on l'a déjà exprimé du temps du vivant... inconsciemment, pendant toutes ces années, ça a fait son travail. Et c'est plus facile de dire, bah oui, elle m'en avait parlé, elle le voulait. C'est la personne décédée qui a pris la décision et c'est pas ceux qui restent. Oui, oui. Mais je croyais que la législation disait que si on n'avait pas écrit spécialement qu'on ne voulait pas donner ces tout à fait, c'est tout à fait ça. Ils étaient, mais à l'heure actuelle, c'est tout à fait ça. Si on n'a pas été sur le livret des refus, hein, il existe un livret des refus. Si on ne s'y est pas inscrit, on est considéré comme donneur potentiel. Mais en France, on demande encore toujours quand même l'avis de la famille. Oui, je sais. Ça, c'est un peu ahurissant parce que. C'est ahurissant, certes, mais je peux comprendre. Enfin, c'est tellement difficile, c'est tellement dur de perdre quelqu'un. Je me dis, en plus, on les dépossède parce qu'il faut les emmener rapidement au bloc, ils ne peuvent pas le voir tout de suite, après, il va y avoir la reconstruction. Donc, il y a tellement de choses qui se passent autour que ça peut être difficile. Et c'est vrai que le fait de prendre du temps, de redemander, de réexpliquer comment que ça va se passer, je pense que c'est important pour que ça se passe mieux. Bon, malgré tout, il y a quand même des refus et après, on respecte. Hein. Oui, bien sûr. On ne juge personne, hein. Chacun a ses... Oui. Non, mais je me dis que quand on aime la vie, on doit être d'accord pour le don d'organes puisque ça va redonner la vie à quelqu'un d'autre. Tout à fait. Ça, c'est sûr. Et puis, de toute façon, après, même en parlant des croyances, de toute façon, on va nous enterrer. Dans toute croyance, le corps, de toute façon, meurt et c'est l'âme qui reste. Bien sûr. Donc, le corps, pourquoi le laisser pourrir alors qu'un arbre va donner des pousses, il va reprendre, la nature, elle fait ça. Pourquoi nous, l'homme, on n'est pas capable de faire pareil? Je pense que si on écoutait la nature un peu plus, elle nous en apprendrait aussi. Oui. Alors, j'ai lu quelques-uns de vos poèmes. Alors, pour les auditeurs, ce serait sympathique que vous en lisiez un au choix. Je vous laisse choisir. Eh bien, on va choisir ça tout de suite. Alors, l'unicité du nous. Perdu dans mon esprit, j'erre sans bruit, à l'écoute de mon âme, éteindre ou maintenir la flamme. Douce prison à l'abri de toute raison, douce chaleur qui frôle la peur. Par toi je grandis, par toi je frémis, par toi je revis, par toi je souris. Juste toi et moi. Par-delà les lois, juste pour nous, par-delà soyons fous. Laisse-moi ce rêve de devenir ton aide, tout en douceur ressentir mon cœur. Laisse-toi ce rêve, sois mon Adam, tout en déraison rejoins ma prison. Nous deux féeriques, nous deux magiques par la pensée, unis par la vie. Donc celui-là, il est issu de mon tout premier, en fait, un arc-en-ciel d'émotions. D'accord. Voilà. Et j'ai vu aussi que vous mettiez des photos pour illustrer vos poèmes. Oui. Alors, sur celui-ci, c'est mes photos, en fait. C'est des photos que moi, j'ai... Parce que c'est une autre de mes passions. J'ai beaucoup de passions, en fait. Et donc, oui, j'ai mis quelques photos. J'aurais bien aimé les avoir en couleur, mais c'est très difficile. Après, ça augmenterait le coût. Et du coup, c'est déjà difficile pour les gens. Donc, on a préféré les faire en noir et blanc. Mais on les retrouve également sur mon site internet. Il n'y a pas de souci. Mmh. Et sur le recueil érotique, les 69 petites perles d'amour, là, j'avais fait une exposition avec Willy, artiste peintre, qui est dans la commune de Saint-Dié-des-Vosges, où je suis. Et donc là, je lui ai demandé l'autorisation de prendre ses tableaux en photo. Et bah, j'ai bien gentiment dit oui. Et donc, ce sont ces photos qui argumentent, on va dire, mes textes érotiques. D'accord. Alors, parlez-nous, de votre actualité, de vos projets. Alors, ça va être de faire la promotion de ce roman qui est nouvellement sorti en septembre. Donc, on va reprévoir des dédicaces à la librairie Le Neuf et puis on va reprévoir aussi d'autres dédicaces dans des magasins après les fêtes, je pense, parce que là maintenant c'est un peu juste et puis on va revoir ça tranquillement. Moi, je préfère presque me poser et puis voir les choses. Et puis, je vais continuer à écrire. J'ai écrit des poésies, des nouvelles et puis évidemment la suite de toi. D'accord. Mais qui sera une suite sans en être une. C'est-à-dire que celui qui n'aura pas acheté le premier pourra lire quand même le deuxième. D'accord. Voilà. Oui. Et donc, vos nouvelles, ce sont des... Vous avez des sujets de prédilection? Non, c'est comme ma tête me parle. Comme des fois, c'est un peu le fouillis. Je prends les chemins de traverse. Et c'est surtout, en général, de toute façon, les thèmes de la vie qui me sont chers. L'amour, l'amitié, la tristesse... Un peu tous ces thèmes-là qui reviennent quand même régulièrement, mais que j'exploite de différentes manières. D'accord. Et vous avez des dédicaces prévues ? Non, pas à l'heure actuelle. Pas à l'heure actuelle. Parce que j'ai plus de livres en stock, j'ai tout vendu, donc ce qui est bien. Oui. Donc du coup, j'attends un rapatriement de livres, et donc là après, je vais pouvoir remettre des dates en place. Oui. Et donc, vous êtes édité par Claire Édition, c'est Claire Lorrain, pardon. Est-ce que c'est difficile de trouver un éditeur ? À l'heure actuelle, oui, c'est difficile. Il faut déjà oser et puis après il faut passer par le comité de lecture et il faut que le comité de lecture nous accepte et puis j'ai envie de dire j'ai eu de la chance, j'ai écrit à deux maisons d'édition, les deux maisons d'édition m'ont dit oui tout de suite. Ah oh, mais c'est miraculeux. Je sais pas. Mais je sais que c'est quand même difficile. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Non, non, non. Surtout que les auteurs, bon, là, ce sont des petites maisons d'édition, et c'est ça que j'aime bien aussi. Mais dans les grandes maisons d'édition, ils prennent pas de risques. Hein. Les auteurs, enfin, si on voit Gallimard, Cherche Midi Éditeur, eux, ils vont prendre que les gens qu'ils éditent déjà, dont les noms vont rapporter. Et puis voilà, les petits auteurs, je sais même pas s'ils diront ce qu'on écrira. D'accord. Et c'est un hasard qu'elle s'appelle Claire Lorrain. Ah, complètement. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui m'a fait diriger vers elle. Parce qu'en fait, elle est située à Bazas, donc ce qui n'a rien à voir avec la Lorraine. Alors, dites-nous où on peut trouver vos ouvrages. Eh bien, sur le site des éditions Claire Lorrain, et puis normalement la librairie Le Neuf, quand ils seront ravitaillés. Donc, la librairie Le Neuf, c'est à Saint-Dié-des-Vosges. D'accord. Et à Nancy, non, il n'y a pas de librairie qui vous a... Non, non, pour l'instant, non, mais je suis ouverte, hein, je fais un appel, là. S'il y en a qui en veulent, il n'y a pas de souci. Je peux même venir faire des dédicaces, il n'y a pas de souci. Il faut juste que je m'arrange avec mon emploi du temps, malheureusement, ce qui n'est pas forcément évident. Bon, eh bien, merci à Isabelle Vouriot d'être venue nous voir. Merci, Mona. À bientôt. Au revoir. Au revoir.